Ah, ça c'est bon. C'est ok, faux. C'est ok. You listen the drum? C'est ok? The chord. D. Ok. D. G. Don't be cruel. By Benji. Not enough measure. Yes. No. Le nombre de mesures.